L'actualité à Nancy et ailleurs. La troisième édition du Festival de la Nouvelle, les 12 000 signes, se déroulera à partir du 10 novembre à Nancy et pas que à Nancy d'ailleurs. Il est porté par la compagnie Les Fruits du Hasard en partenariat avec l'association littéraire Trois Pattes à un Canard. Et parmi les voix qui vont faire vivre cette troisième édition, il y a Benoît Fourchard. Bonjour. Bonjour. Première question, tout simplement, une définition du Festival de la Nouvelle, 12 000 signes. Alors l'idée, c'est de mettre en lumière la nouvelle, qui est un genre littéraire un petit peu négligé parfois des médias ou des éditeurs, ou, et du coup un petit peu des libraires et des lecteurs. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment remettre en valeur la nouvelle et sous forme de lecture musicale. Donc ce sont des comédiens professionnels et des musiciens qui mettent en voix un certain nombre de textes qui ont été choisis depuis pas mal de temps. Il y aura en l'occurrence près de 70 nouvelles qui seront lues de tout un tas d'auteurs très différents les uns des autres, dans différents endroits, pour différents publics, pour tous les publics même, autant pour les enfants que pour les adultes, dans différents endroits de Nancy et de l'agglomération et même du département. Donc voilà, et ça commence effectivement le 10 novembre. Effectivement, donc on va revenir un peu plus dans le détail après sur... On va pas voir bien sûr lister tout ce qui va se passer, il y a beaucoup de choses. Mais il y aura quelques temps forts, les 12 000 signes. Pour nous expliquer pourquoi ce nom, tout simplement, c'est le nombre de caractères d'une nouvelle maximum. C'est très arbitraire. C'est vrai. Disons que c'est une nouvelle qui fait à peu près 4 pages dactylographie. Enfin, nous, ce qui nous importait, c'était en gros, c'est une nouvelle qui va faire à la lecture entre 15 et 20 minutes. Et ça nous paraissait important de lire des nouvelles pas trop longues. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce format 12 000 signes. Alors toutes les nouvelles ne font pas 12 000 signes, il y en a même des nouvelles très longues ou des nouvelles plus courtes, mais on va dire que c'était un petit clin d'œil à ce qu'on demande parfois aussi aux journalistes le nombre de signes qu'on doit mettre dans un article ou autre. C'est l'idée de que la nouvelle c'est un format court, 12 000 signes c'est plutôt court, et un format moyen on va dire. Et un format qui pourrait être accessible à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. Justement, c'est l'idée aussi de montrer que la nouvelle peut être un genre et qui pourrait être très au goût du jour, justement, parce que c'est un format court qui peut se lire dans un trajet en bus, dans une attente chez le médecin, etc. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de remettre en valeur ça sous forme de la lecture. Donc, les gens sont auditeurs et reprennent goût aussi à ce sentiment de qu'on nous raconte une histoire et mise en musique, qui plus est. C'est né en 2019. À chaque fois, il y a un auteur qui est mis en avant. Après Claire Castillon en 2019, donc, et Joël Egloff en 2021, c'est Marie-Hélène Lafont. Cette année, qui a été d'ailleurs lauréate du prix Goncourt de la Nouvelle, c'était en 2016, elle a eu plein d'autres prix, d'ailleurs on ne va pas pouvoir les lister, ça ferait trop long. Alors pouvez-vous nous la présenter en quelques mots peut-être? À chaque fois on choisit évidemment des auteurs qu'on apprécie particulièrement, Claire Castillon qui est une novelliste importante, Joël Egloff qu'on connaît très bien, moi j'avais déjà travaillé sur un de ses textes aussi, j'avais adapté un de ses textes au théâtre. Donc on le connaît très bien, c'est un novelliste super. Et Marie-Hélène Lafont, donc elle a deux casquettes, elle le dit elle-même, d'ailleurs elle est novelliste et romancière. Et on apprécie particulièrement ses nouvelles, et vraiment ça, on est très honoré qu'elle ait accepté d'être là, elle sera présente d'ailleurs, à l'occasion d'une des soirées. Dans la nouvelle, il y a aussi un intérêt, stylistique, linguistique, il faut aller travailler, comme elle dit elle-même, à l'os. Parfois les textes sont souvent très épuré, et c'est ça qui nous intéressait beaucoup. Comment est-ce qu'on peut dire, raconter toute une vie, toute une histoire en peu de mots et en peu de pages, quoi. Et Marie-Hélène Lafont, pour ça, elle est extraordinaire. Cela dit, il n'y aura pas qu'elle qui sera lue. Il y a bien d'autres auteurs qu'on apprécie beaucoup. 70 lectures, vous nous l'avez dit. Voilà, oui. 30 lieux différents. Trentaine de lieux différents, oui. Ouais. On va peut-être s'arrêter sur trois dates. Il y a trois dates un peu temps fort. Ça va commencer avec le 10 novembre. C'est l'ouverture. Voilà, l'ouverture qui aura lieu donc à la Douéra, à Malzéville, où là on devait avoir un auteur qui finalement se décommande parce qu'il est très demandé, il s'agit d'Antoine Vauters qui justement jusqu'à hier, il nous avait dit peut-être, etc. Puis en fait, il a eu lui-même le Goncourt de la Nouvelle en 2022 et il a eu le prix du Livre Inter, ce qui explique pourquoi il est très très pris. Cela dit, nous lirons quand même l'une de ses nouvelles. Ensuite, il y aura effectivement le samedi 12 novembre, où là, cette fois, on a un banquet littéraire qui se passe à la Brasserie du Marché, à Haussonville, où là, on lit une grande nouvelle, ce qu'on appelle une novella, justement de Marie-Hélène Lafont, et c'est justement le soir où elle sera présente. C'est une novella donc, qui représente une bonne heure de lecture, mais qui sera entrecoupée du repas. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un banquet littéraire. Ensuite, il y aura aussi un autre rendez-vous très important le samedi suivant, avec une grande soirée, on va dire, où là, on va lire... 8 nouvelles différentes, où il y aura un certain nombre d'auteurs qui seront présents, notamment Joël Egloff, qui nous fera le plaisir de revenir. Et puis, donc, cette soirée se déroulera au LEM, en vieille ville, donc de Nancy, où là, on aura également une soirée qui démarrera à 19h et qui sera entrecoupée de petits grignotages, de rencontres avec les auteurs présents, de, éventuellement, il y aura une librairie aussi présente sur tous les sites du festival, donc on pourra aussi se faire dédicacer des livres, des oui. auteurs qui seront présents. Il y a aussi plusieurs médiathèques au cours de la semaine dans lesquelles on ira faire des lectures. Notamment, il y en a une à la Filoche le vendredi, à la Chaligny, le vendredi 18, où là, il y aura également des auteurs présents, où il y a une thématique autour des liens familiaux. Une autre médiathèque aussi à Vendeuvre, la médiathèque Jules Verne, le vendredi soir également, où là, ça sera autour de la thématique de l'humour. Donc à chaque fois, on choisit des textes qui sont évidemment en lien avec les thèmes qu'on nous suggère. Il y a la médiathèque également de Saint-Max, où on sera le dimanche d'avant. Et puis il y a des collèges, lycées, enfin il y a plein d'endroits. Le jardin botanique, l'aquarium, l'ex-musée du fer qui s'appelle maintenant Féru des sciences. Enfin, tous ces lieux un petit peu atypiques, où là on fait des lectures à la fois pour les adultes, mais aussi du coup pour les enfants. C'était une volonté déjà de s'ouvrir à des lieux très très différents comme ça? Non seulement c'est une volonté, mais c'est presque dans l'ADN du projet, c'est-à-dire vraiment d'être allé devant de publics qui ne sont pas forcément, même certains publics empêchés, puisqu'on oui. va aussi au du Lièvre, à la médiathèque et à la MJC où on va faire une lecture familiale, on va dire. On a fait tout un travail en amont au centre de détention de Maxéville. Donc à chaque fois, on essaye aussi d'aller au-devant des publics qui ne sont pas forcément férus de lecture. Et notamment de nouvelles. Et on se rend compte que finalement, on arrive à créer quelques adeptes. C'est un travail de fourmi, bien sûr. Mais... Et vous n'êtes pas tout seul, hein. Parmi les voix qui vont faire vivre ce festival, vous êtes combien de lecteurs? Alors, il y a 4 lectrices et lecteurs professionnels, on va dire, plus un certain nombre de lecteurs et lectrices de l'association Trois Pattes à un Canard, qui sont des bénévoles, on va dire, mais qui sont déjà bien habitués à des lectures à haute voix, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, notamment dans des lectures déambulatoires. Il y a aussi 2 balades littéraires, d'ailleurs, qui sont... assuré par cette association. Donc on est 4 lecteurs permanents, on va dire, sur toute la semaine, et 4 musiciens et musiciennes. Oui, parce que la musique, le son, autre que la voix, va pouvoir accompagner ces lectures. Ça nous paraît aussi très important, ça fait partie aussi du travail de la compagnie Les Fruits du Hasard depuis très longtemps. Tous les spectacles qu'on a pu faire sont toujours accompagnés de musique en live, mais c'est plus qu'un accompagnement, c'est plus qu'une illustration, c'est vraiment un dialogue avec la musique. Et à chaque texte qui est lu est emballé d'une atmosphère, d'une humeur particulière grâce aux musiciens qui viennent aussi beaucoup des musiques improvisées, ce qui permet aussi d'avoir des grandes périodes où il y a des choses qui naissent sur le moment, quoi. Ça, c'est très intéressant. C'est une préparation longue, un tel festival, de choix des lectures, de les préparer aussi, ces lectures? Alors, il y a un long travail, effectivement, de choix de textes, de connaissances. Enfin, moi-même étant nouvelliste, et eu souvent l'occasion de participer à des salons, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'auteurs de nouvelles et d'autrices, ce qui fait que j'ai une certaine connaissance et du coup l'association avec laquelle on travaille également. Donc on a effectivement ce long travail de choix de textes et il y en a plein qu'on aimerait faire mais qui se mettent moins bien en bouche ou qui sont un peu longs ou qu'on rentre pas dans les thématiques, etc. Et puis après on a 3 semaines de travail de répétition. Quasiment 3 semaines, ça commence aujourd'hui jusqu'au 10 novembre, où là, effectivement, il faut se mettre tous ces textes en bouche, et surtout pour les musiciens, il faut que, comme chacun des textes va avoir une ambiance et une création musicale différente, il faut qu'à chaque fois, il y ait un long travail de préparation, de mise en bouche et de mise en son de ces différents textes, quoi. Donc avec beaucoup de rendez-vous prévus, une 70 lectures, une 30aine de lieux différents, 3 dates temps forts, donc le 10, le 12 et le 19 novembre. Ben, pour refaire un peu son planning, comment on peut faire pour retrouver justement tous ces lieux, toutes ces dates, tous ces horaires? Le programme complet va être mis en ligne dès la fin octobre. Il y a un Facebook, 12 000 signes. Il y a le site de la compagnie Les Fruits du Hasard. Et puis il y a un certain nombre d'affiches et de brochures qui vont être distribuées dans différents coins de Nancy, pour informer le public, non seulement du festival, de l'existence, mais aussi de son détail, de chaque jour va être annoncé. Ce que tous les gens, évidemment, il y a un certain nombre de lectures qui seront plus dans des cadres, par exemple, lycée ou collège, ça sera moins facile pour le grand public, mais il y a au moins en tout 25 lieux proposés qui sont ouverts au public. Je précise que c'est gratuit, notamment dans les musées. Alors, pour les musées, il y a juste l'entrée du musée pour les plus de 26 ans, mais sinon, toutes les lectures sont gratuites, bien entendu. Il y a aussi sur cette brochure et sur le programme qu'on va mettre en ligne des numéros de réservation au cas où. Mais a priori, donc, tout est gratuit. Alors peut-être un dernier argument pour inciter peut-être les auditeurs à ouvrir leur curiosité justement à ces lectures et à découvrir cette forme d'écriture. Il y a des grands auteurs, hein, mine de rien, qui ont écrit pour la nouvelle, donc qu'on connaît, bah, évidemment, on a cité Marie-Hélène Lafont, mais il y a aussi Mélisse de Carangal, une autrice qu'on aime beaucoup, on a déjà lu une de ses novellas il y a 2 ans. Là, on remet en lecture, elle vient de publier un recueil de nouvelles il y a 1 an, donc on est très content de mettre en lecture. La nouvelle n'est en aucun cas un ballon d'essai pour écrire du plus long. Ce que je veux dire, c'est que la preuve est que ces grands auteurs, Franz Bartelt aussi, qui est un auteur très réputé en roman et aussi en nouvelles, c'est un genre complètement différent. Et là, j'en parle plus de l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une écriture qui fait qu'on peut arriver à toucher, à raconter une histoire, ce que je disais tout à l'heure, en très peu de mots et en très peu de pages et en très peu de temps dédié à ça pour le lecteur. 12 000 signes, de nombreuses occasions de vivre ces histoires différemment. C'est à partir du 10 novembre. Merci beaucoup, Benoît Fourchard. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.